Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Dupré 1862. Question 68. Du sujet du baptême. Précepte de recevoir le baptême. Nécessité de ce sacrement pour le salut. Faut-il le différer? Quelle sorte de pécheur on doit baptiser? Il ne faut imposer à ceux que l'on baptise ni pénitence, ni confession. Nécessité de l'intention et de la foi chez le baptisé. Du baptême des enfants des infidèles. Des enfants renfermés dans le sein de leur mère. Des furieux et des fous. 1. Tous les hommes sont-ils obligés de recevoir le baptême? Il est écrit, quiconque ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3:5. Les hommes sont tenus aux actes sans lesquels ils ne peuvent être sauvés. Or nul ne saurait l'être que par Jésus-Christ. L'apôtre dit, de même que, par le péché d'un seul, tous les hommes ont encouru la condamnation, de même, par la justice d'un seul, tous reçoivent la justification de la vie. Romains 5, 18. Le baptême ayant été donné pour régénérer l'homme et l'incorporer au Christ en le constituant un de ses membres, comme on le voit par cette parole, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, Galates 3:27. Tous les hommes sont évidemment obligés de le recevoir. Sans lui il n'y a pas de salut. Note. À aucune époque, les hommes n'ont pu être sauvés sans devenir membres du Christ, ainsi que le marque cette parole de saint Pierre. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres 4, 12. Sous l'ancienne loi, les hommes lui étaient incorporés par la foi à son avènement futur, la circoncision en était le sceau. Avant la circoncision, cette incorporation s'opérait par la foi seule, dont l'oblation des sacrifices était une profession. Depuis l'avènement du Christ, les hommes lui sont également incorporés par la foi, selon cette parole, c'est par la foi que Jésus-Christ habite dans vos cœurs. Éphésiens 3:17. Il faut seulement observer que la foi à une chose présente se manifeste autrement que la foi à une chose future, comme on se sert de mots différents pour exprimer le passé, le présent et l'avenir. Ainsi, quoique le baptême n'ait pas toujours existé, la foi dont il est le sacrement a toujours été nécessaire. Dès lors, on ne peut pas objecter que son institution a rétréci la voie du salut. On dira peut-être qu'au moins les enfants sanctifiés dans le sein de leur mère ne sont pas obligés de recevoir le baptême. Si quelques-uns sont sanctifiés de la sorte, ils n'ont pas pour cela la ressemblance du Christ, il est nécessaire de les baptiser pour leur conférer ce caractère. Fin de la note. 2. Quelqu'un peut-il être sauvé sans le baptême? S'agit-il d'une personne qui, jouissant de son libre arbitre, n'est ni ne veut être baptisée, par mépris du sacrement, elle ne peut être sauvée. Elle n'est incorporée ni sacramentellement, ni mentalement au Christ, de qui seul vient le salut. Parle-t-on d'une personne qui a le désir du baptême, mais que la mort saisit avant qu'elle l'ait reçue? Celle-là peut être sauvée, à cause de son désir du baptême, désir procédant de la foi animée par la charité au moyen de laquelle Dieu, qui n'a pas enchaîné sa puissance au sacrement visible, sanctifie les hommes intérieurement. Aussi saint Ambroise disait-il en parlant de Valentinien, « Mort catéchumène, j'ai perdu celui que je devais régénérer, mais il n'a pas perdu, lui, la grâce qu'il avait demandée. » Note. On nous opposera peut-être ce texte, Quiconque ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est pareillement écrit, l'homme n'aperçoit que l'extérieur, tandis que Dieu voit le cœur. 1 Rois 16, 7. Celui qui désire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint au moyen du baptême est régénéré dans son cœur, quoiqu'il ne le soit pas visiblement. L'apôtre ne disait-il pas, la circoncision du cœur se fait par l'Esprit et non par l'observation de la lettre, elle tire son mérite de Dieu et non des hommes. Toutefois, celui qui ne reçoit le baptême, qu'en désire, endure la peine temporelle due à ses péchés pardonnés. Il est sauvé comme par le feu, pour parler avec l'apôtre. 1 Corinthiens 3, 15. Ainsi, quand on dit que le sacrement de baptême est de nécessité de salut, il faut entendre qu'il n'y a pas de salut pour l'homme qui n'a pas au moins la volonté de le recevoir, car, devant Dieu, cette volonté est réputée pour le fait. Saint Thomas, ce semble, n'a en vue dans cette question que le sort des catéchumènes qui meurent avant d'avoir reçu le baptême qu'ils désirent et auquel ils se préparent. Il ne parle ni des infidèles, ni des conditions du désir, qui, alors même qu'il n'est qu'implicite, peut suffire dans certains cas. Fin de la note. 3. Doit-on différer le baptême ? Les enfants doivent être baptisés sans délai, à cause du péril de mort, il n'y a pas à attendre de plus d'instructions ni de meilleures dispositions. Les adultes, auxquels le désir du baptême peut suffire, ainsi que nous l'avons dit, ne doivent pas ordinairement être baptisés au moment même de leur conversion. L'Église veut que l'on examine pendant quelque temps leur foi et leurs mœurs, qu'on les instruise et qu'on les exerce aux actes de la vie chrétienne, afin qu'ils reçoivent ce sacrement avec plus de dévotion. Il faut, toutefois, baptiser sans délai ceux qui sont convenablement préparés ou exposés à un danger de mort, car, bien qu'une personne qui attend l'époque fixée pour son baptême soit sauvée, si elle meurt avant d'avoir pu le recevoir, elle n'est pas, cependant, exempte du purgatoire. Note. Pour prouver que le baptême doit être longuement différé, il ne conviendrait pas de s'autoriser de ce principe que, plus il l'est, plus il remet de péché. Par la grâce qu'il confère, il n'efface pas seulement les péchés passés, il prévient aussi les péchés futurs, qu'il empêche de commettre. On doit désirer avant tout que les hommes ne pêchent pas, que leurs péchés soient légers, et qu'ils en soient purifiés. Quant aux personnes qui, sans cause légitime, diffèrent elles-mêmes le moment de leur baptême, elles pêchent contre ce précepte, ne tardez pas de vous convertir, et ne différez pas de jour en jour. Ecclésiastique 5, 7. Fin de la note. 4. Faut-il baptiser les pécheurs ? D'après ces paroles de l'apôtre, Jésus-Christ purifie l'Église par le bain de l'eau et par la parole de vie, Éphésiens 5, 26, le baptême, spécialement institué pour effacer les souillures du péché, doit être donné aux pécheurs qui n'ont que la tâche et la dette de leur péché passé. Mais il faut le refuser à ceux qui sont encore pécheurs par la volonté. L'homme disposé à pécher ne peut s'unir à Jésus-Christ, auquel ce sacrement nous incorpore, selon cette parole, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Galates 3, 27. Qu'y a-t-il de commun ? S'écrit le même apôtre. Entre la justice et l'iniquité, quiconque est en possession de son libre arbitre, ajoute saint Augustin, ne peut commencer une vie nouvelle sans se repentir de ses fautes passées. Note. On ne doit conférer le sacrement de baptême qu'aux pécheurs chez lesquels on aperçoit quelques signes de conversion intérieure, comme on ne donne un remède corporel qu'au malade chez lequel on voit quelques mouvements vitaux de la nature. Fin de la note. 5. Doit-on imposer des œuvres satisfactoires aux pécheurs que l'on baptise? Jésus-Christ, nous l'avons reconnu, a suffisamment satisfait pour les péchés de tous les hommes. Imposer une pénitence aux personnes que l'on baptise, ce serait, en faisant injure à sa passion et à sa mort, témoigner qu'il n'a pas satisfait pleinement pour les péchés du monde entier. Note. On doit seulement enjoindre aux pécheurs que l'on baptise de satisfaire au prochain, de renoncer aux péchés et de s'exercer à la pratique des vertus, on ne leur enjoint aucune œuvre satisfactoire pour le passé. Fin de la note. 6. Les pécheurs qui reçoivent le baptême sont-ils obligés de se confesser? Il suffit que l'homme, avant le baptême, se rappelle ses péchés et les déplore, il n'est pas obligé de les confesser à un prêtre. Le but de la confession faite au prêtre est d'en obtenir l'absolution et l'imposition d'une œuvre satisfactoire. Or le ministre qui confère le baptême ne prescrit aucune œuvre de ce genre, n'impose aucune humiliation, et ne donne point l'absolution. Il ne doit point exiger des sujets qui le reçoivent un aveu détaillé de leur péché. La confession générale par laquelle, comme le prescrit le rite institué par l'Église, il renonce aux démons et à ses pompes, est seule d'obligation. Si, pourtant, quelques-uns voulaient par dévotion se confesser à un prêtre, on devrait les entendre, non pour leur imposer une pénitence, mais pour leur donner des avis salutaires. 7. L'intention de recevoir le sacrement de baptême est-elle nécessaire? Tous les rituels exigent-ils que la personne qui va être baptisée déclare qu'elle demande le baptême à l'Église? Du moment que le baptême fait mourir à la vie ancienne et initie à une vie nouvelle, il est nécessaire, pour le recevoir, que l'homme qui jouit de son libre arbitre ait la volonté de quitter son ancienne vie et d'entrer dans la vie chrétienne, dont la réception de ce sacrement est le commencement. Conséquemment, la volonté ou l'intention est nécessaire pour recevoir le sacrement de baptême. Note. Un adulte qui n'aurait pas eu l'intention de recevoir le baptême devrait être rebaptisé. Dans le doute, on dirait, si tu n'es pas baptisé, je te baptise. Fin de la note. 8. La foi est-elle nécessaire pour le baptême? Le baptême produit deux effets dans l'âme, le caractère et la grâce. La vraie foi est une condition essentielle pour recevoir la grâce de la justification. L'apôtre dit, « La justification est produite par la foi en Jésus-Christ. » Romains 3, 22. Notre Seigneur ne s'exprime pas moins expressément, « Quiconque croira et aura été baptisé sera sauvé. » Marc 14, 16. Pour le caractère, la vraie foi n'est pas plus nécessaire dans le sujet que dans le ministre. Le sacrement de baptême a été réellement conféré dès lors que l'on a observé tout ce qui est prescrit pour sa validité. Note. La personne qui reçoit le baptême hors de l'Église, sans renoncer à son infidélité ou à son hérésie, reçoit, comme le pécheur qui ne quitte pas ses péchés, le sacrement avec le caractère qui l'imprime, mais elle n'obtient pas la justification. Fin de la note. 9. Doit-on baptiser les enfants? Les enfants ont la tâche du péché originel, et c'est pour cela que notre Seigneur a dit, « Quiconque ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3:5. Il est nécessaire que la régénération du baptême les fasse arriver au salut par Jésus-Christ. D'ailleurs, formés dès l'âge le plus tendre aux habitudes de la vie chrétienne, ils y persévéreront avec plus de fermeté, conformément à cette même maxime de la sagesse. Prépare le cœur de l'enfant dès son entrée dans la vie, et il ne s'éloignera point de la sagesse, alors même qu'il aura vieilli. Proverbe 22, 6. Note. Dans l'Église du Sauveur, écrivait saint Augustin à Boniface, les petits enfants croient par autrui, de même qu'ils ont contracté par autrui le péché qu'efface en eux le baptême. Leur intention de recevoir le baptême est dans ceux qui les présentent, leur foi, dans la foi de l'Église, qui devient leur mère. Fin de la note. 10. Doit-on baptiser les enfants des Juifs et des autres infidèles malgré leurs parents? Les enfants des infidèles ont l'usage de la raison, ou ils ne l'ont pas. S'ils l'ont, on peut leur parler du baptême et les engager à le recevoir. Maître d'eux-mêmes pour tout ce qui est de droit divin et naturel, ils peuvent, malgré leurs parents, se faire baptiser aussi bien que se marier. S'ils n'ont pas encore l'usage de la raison, ils sont sous la tutelle de leurs parents, on irait contre la justice naturelle, si on les baptisait sans le consentement des auteurs de leur jour. Cette question s'est déjà présentée. Voyez de la foi. Question 12. Doit-on baptiser, malgré leurs parents, les enfants des Juifs et des autres infidèles? 11. Doit-on baptiser les enfants dans le sein de leur mère? Il est nécessaire pour la validité du baptême que l'eau touche de quelque manière le corps de l'homme. Les enfants renfermés dans le sein maternel ne sauraient donc être baptisés tant qu'ils n'en sont pas sortis. Mais si, au moment de leur naissance, l'eau peut atteindre un de leurs membres, et notamment la tête, le baptême est valide. Dans le doute, on le réitérera avec cette formule, « Si tu n'es pas baptisé, je te baptise. » Note. Les enfants renfermés dans le sein de leur mère sont susceptibles de recevoir l'action de Dieu, pour qui ils sont vivants. Ils peuvent obtenir, par un certain privilège, la grâce de la justification, on le voit par ceux qui y ont été sanctifiés. Notre saint docteur fait, dans cet article, une concession très consolante pour le cœur des mères dont les enfants, morts dans leur sein, n'ont pas pu recevoir le baptême. Il n'est jamais permis de donner la mort à la mère pour sauver son enfant, mais si elle meurt, l'enfant vivant dans son sein, on doit ouvrir la mère pour baptiser l'enfant. Fin de la note. 12. Doit-on baptiser les fous? Les fous de naissance doivent être baptisés, comme les enfants, dans la foi de l'Église. Les fous qui ont joui de leur raison doivent être également admis au baptême, s'ils ont manifesté, avant leur démence, le désir de le recevoir, mais s'ils n'ont pas laissé paraître cette intention, ils ne doivent pas y être reçus. Quant à ceux qui ont des moments de lucidité, on peut en profiter pour les baptiser, sur leur demande. Note. On ne baptise point une personne endormie, si ce n'est dans un pressant danger de mort, et quand elle a manifesté précédemment la volonté de recevoir le baptême. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.